L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes américains viennent de découvrir pour la première fois une contrepartie en rayon gamma d'une bouffée rapide d'ondes radio, ce qu'on appelle une FRB. Cette découverte bouleverse notre vision de ces phénomènes hyper-énergétiques. Les bouffées rapides d'ondes radio, appelées FRB pour Fast Radio Bursts, ont été découvertes en 2007. Il s'agit de brusques bouffées d'ondes radio très localisées et qui ne durent que quelques millisecondes, jusqu'à une seconde. Depuis une petite dizaine d'années, seulement quelques dizaines de ces FRB ont été trouvées sans que l'on comprenne complètement quelle peut être leur origine. James Delaunay de Penn State University et son équipe ont utilisé les données du télescope spatial SWIFT, spécialisé dans la détection des GRB, les Gamma Ray Bursts, les bouffées de rayons gamma. Ils se sont intéressés à une zone du ciel qui avait été scannée par SWIFT et où se trouvait par bonheur une des FRB identifiées par le radiotélescope australien Parkes en 2013. Nommé FRB 131104. Vous pouvez d'ailleurs écouter le signal radio de FRB 131104, retranscrit ici dans des fréquences audibles. Alors attention, ça va très vite, hein. Je vais le mettre plusieurs fois d'affilée. Écoutez bien. Sympathique, non ? Les astronomes avaient commencé à chercher des contreparties des FRB dans d'autres longueurs d'onde dès leur découverte en 2007, mais en vain jusqu'à aujourd'hui. James Delaunay raconte « J'ai commencé cette recherche de contreparties de FRB en pensant que je ne trouverais rien. La FRB 131104 était la première qui avait des données utiles à analyser provenant de SWIFT. Quand j'ai vu qu'il y avait une possible contrepartie gamma, je n'en croyais pas mes yeux. C'était une chance incroyable pour moi. » Des observations de SWIFT en rayon X et en visible avaient aussi été effectuées seulement 2 jours après l'apparition de FRB 131104, grâce à la grande réaction des radioastronomes. Mais aucune contrepartie longue n'y avait été vue dans ces gammes spectrales. Quelques théoriciens avaient prédit que les FRB devaient être accompagnés par des rayons gamma, mais la bouffée gamma qui est observée à l'endroit de FRB 131104 est étonnamment longue et brillante. Elle a duré entre 2 et 6 minutes, alors que la bouffée radio avait duré 1 milliseconde. L'émission gamma surpasse ainsi l'émission radio d'un facteur 1 milliard, augmentant énormément l'estimation de l'énergie en jeu et induisant des conséquences importantes pour le voisinage de l'objet en cause et pour sa galaxie hôte. Les deux modèles pouvant expliquer une émission gamma associée au FRB sont d'une part des éruptions magnétiques provenant de magnétars, des étoiles à neutrons extrêmement magnétisées, et d'autre part une fusion cataclysmique de 2 étoiles à neutrons qui vient former un trou noir. La quantité d'énergie mise en jeu ici dans FRB 131104 semble en défaveur de la première hypothèse, sauf si l'objet est relativement proche de nous, ce que nous ne pouvons pas trop savoir. Et la relativement longue durée de la bouffée gamma est quant à elle inattendue dans les deux modèles théoriques, mais elle pourrait tout de même être possible dans un scénario de fusion d'étoiles à neutrons si la scène est observée par le côté. La bouffée gamma ressemble en fait plus à ce qui est plus souvent observé dans le cas d'une supernova ou de l'accrétion d'un trou noir supermassif. Mais ces deux phénomènes ne sont jamais associés à des bouffées rapides d'ondes radio. Les astronomes rêvent maintenant à de futures campagnes d'observation pour découvrir de nouvelles FRB et surtout leur contrepartie à haute énergie qu'ils pourraient suivre sur une longue durée. la seule façon de pouvoir comprendre enfin ce qui se cache derrière ces événements hors normes. L'article de James Delaunay et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 832, en date du 11 novembre 2016. Et il a pour titre « Discovery of a transient gamma-ray counterpart to FRB 131104 ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des FRB et des GRB se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, ce violent ciel, et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut !